Niquer des mères, c'est mon hobby. 357 sur mon Gucci. Rose noire et des bougies. Tupac est encore en vie. Je suis traqué par la backrobe. D'autres services qui font les boniches. On mange jamais sur les fers, on nique tout, rebelle, je suis très riche. Pardonnez-moi, je vous aime vraiment. J'ai vu son jeu, c'est de suivre le vent. Tu sais qu'on t'attend devant. J'ai mes enfants qui m'attendent, mais bon. Papa, maman sont divorcés, d'amour toujours été dispensé. Je fume que de la frappe de baiser. En cellule, ça m'évite de penser. 10 minutes, je serai vers Melrose Place. Quand les keufs arriveront dans la tête. Promenade, douche, parloir, salle d'attente, passer l'âge, robe, yo. Je veux du cash, robe yo. Je veux ma place, robe yo. Il est verti, tu vas Rio. J'ai deux litres dans la Clio. Maman, je t'aime et adios. Sicario du barrio. Je me serais battu comme un lion. Oh mon dieu, je compterai pas pour 2 millions. Oh mon dieu, je vise en douce à tes millions. Pardon mon dieu, regarde mes yeux, je fume de la bœuf. Oh mon dieu, je fais de la monnaie, monnaie. L'année dans la Porsche, j'en ai plein les poches, mais je suis pas heureux. J'ai le cœur qui saigne, mes larmes tombent du ciel, mais j'en parle peu. J'attends que ça se tasse, la température est cool. J'entends la tempête, seuil de la colère pour lâcher les douilles. Fils de pute, oui de personne. L'écho, le cerveau, pas le bif qui façonne. Quatre amis, je suis cinquième qui rançonne. Jack Daniel et puis Smith et Wesson. Poste de Boston, chez mes gosses, mon c'est les trois qui consomment. Coup de fusil, quatre personnes nous cassole. J'attends que mon fils en 4-4 se cassole. Je repars à l'objet sans cas à jeter un mélange dormir et jeûner. Tu as ceux qui ont dormi 30 ans, tu as ceux qui ont 30 ans de vie. Venez voir, venez voir. Ma grande baignoire est en ivoire. Vite de fou la tête, faut la voir pour le croire. Que des hommes dans le miroir. Des aides. Gilles vert tiré du Rio. J'ai deux litres gros dans la Clio. Maman, je t'aime et adios. Sicario du barrio. Je me serais battu comme un lion. Oh mon dieu, je compterai pas pour 2 millions.